ensuite pour la touche de Heavy dans l'aspect française, la vieille vieille vieille formation de Heavy française, oui oui, qui a vu le jour au milieu des années 80. Le groupe avait complètement disparu avant un retour en 2017 pour une presta live au Pyrenean Warriors Open Air. Et bien là, ils nous sortent un second effort studio, Palingenesia. C'est plutôt efficace, hein, ce nouvel effort studio de Titan. À noter que au micro, on retrouve le chanteur de l'autre groupe de vie français, Killers. L'album est déjà disponible. On va s'écouter le morceau Mortel. Et en doublette, Ergola et Somptator, une autre formation toulousaine. Là, on est sur du black metal. Le groupe, on l'a découvert il y a un an et demi à peu près. Avec leur tout premier effort studio, et là ils nous proposent quelque chose de plus traditionnel en termes de black metal, un peu moins prog avant-gardiste que le précédent album, une musique un petit peu plus accessible et frontale, qui reste cependant bien efficace et très très riche. Ergola et Somptator, mille vertiges fondent sur les âmes vides. L'album est déjà disponible et on s'écoutera le morceau Les Infectes Salive. À noter que cet album est une fois de plus chanté intégralement en français. Devrais-je le dire? Oui, pour clôturer l'aspect française, une doublette de l'Est de la France, mais une doublette du Nord-Est et une doublette du Sud-Est. Blockheads, tout d'abord, les vétérans ultra cultes, la légende du grindcore français qui nous sort un monstrueux nouvel album studio, Trip to the Void, en collaboration avec Box Brigand et Lixiviat Records. On va s'écouter la monstrueuse doublette The Devourer et When You'll Become Shadow. Mortellement efficace ce nouvel effort studio de Blockheads, hein. Encore une fois, petit témoignage de qualité de cette nouvelle sortie studio via le focus de Thibaut la semaine dernière. Et dans la foulée, Baylor, le groupe de Black Atmosphérique, Black Epic, second effort studio intitulé Artifact, c'est une autre sortie Northern Silence Production. Et on montrera le titre The Fall of Andeor. C'est parti. Oh, On quitte l'aspect française avec une retour à la diff internationale, avec un groupe, ma foi, dont on a discuté avec Sylvain et Thibault, savoir si on le diffuserait ou pas. Et puis, en fait, on est plus ou moins tombé d'accord sur le fait que ça avait sa place dans l'émission. Me and That Man, troisième effort studio pour la formation, on va dire, polonaise de base, puisque c'est le projet parallèle de Nergal, bien sûr, le Nergal de Behemoth. Avec Me and That Man, il nous proposait sur le tout premier effort studio un espèce de dark folk country blues rock avec un autre musicien de ce domaine-là musical. Et là, il nous sort le volume 2 de Newman New Songs Same Shit. Et là, il a poussé le délire beaucoup plus loin, parce qu'en fait, sur chaque titre, on retrouve un à deux guests, alors des musiciens ou des chanteurs. Et musicalement, on est plus sur du country blues rock, donc voilà, on a perdu ce côté dark folk ultra sombre et blasphématoire. L'album sort chez Napalm Records. Et ce que je trouve vraiment cool sur le concept de Me and That Man, enfin c'est clairement Nergal and Friends, c'est qu'en fait, bah déjà, il n'y a pas de chant saturé, il y a assez peu de guitare avec une distorsion, et en fait, du coup, ça pousse un peu tous les guests bah, vraiment dans leur retranchement, et du coup, ils nous proposent bah, des choses complètement différentes, et je trouve que ça ouvre complètement le panel artistique de ça, chacun de ces musiciens, et ça que je trouve vraiment super intéressant. Donc l'album, pour moi, est encore une excellente réussite. On va s'écouter le titre Losing My Blues, et sur ce morceau-là, Nergal a donc invité Abath, le fameux Abath bien sûr, Abath de Immortal, et Chris Holmes, ancien guitariste de Wasp, et on retrouve Frank de Baptiste, bon, ça c'est par contre un zikos que l'on ne connaît pas, et au final, bah, Nergal, on l'entend assez peu sur le titre, hein, il doit être sur moins de la moitié de l'album en termes de partie vocale, mais enfin voilà, le concept est vraiment super cool, et pour moi, la sauce prend sacrément bien, donc vous allez voir, on est très très très très loin du reste de la diff qu'on peut vous proposer, mais voilà, ça, pour nous, ça nous semblait complètement pertinent. Et par contre, en doublette avec Me and That Man, on remet complètement les pieds dans le plat du metal extrême avec Stillbirth, le groupe de Brutal Death Slamming Surf allemand, qui nous sort un nouvel EP studio, Strain of Gods, une sortie toujours chez Unique Leader. Le dernier enregistrement studio avec leur bassiste Dominic Pumpa, décédé il y a une paire de semaines. Donc voilà, un EP en forme d'hommage bah, involontaire. Double Fire, Double Fun pour Stillbirth. Et donc juste avant ça, Losing My Blues pour Me and That Man. C'est parti. pour la doublette suivante, puisqu'on s'approche déjà de la fin de l'émission, eh bien une formation venue du Canada qui a atterri ensuite en France. E-Force, groupe de thrash formé par le chanteur-bassiste Eric Forrest, suite à son départ de Voivode au tout début des années 2000, où il occupait justement le poste de bassiste-chanteur depuis 1994. Donc un projet québécois, et puis Eric est venu s'installer en France, où il vit toujours actuellement. Il s'est accoquiné de différents musiciens français, il sort là son cinquième effort studio. On est sur du thrash vachement plus frontal et forcément beaucoup moins prog que Voivode, avec un chant bien énervé, bien criard. Voilà, E-Force, nouvel effort studio, Mindbender, l'album est déjà disponible, et dans la foulée, un All-Star Band du grindcore international Lock Up. Alors j'ai été assez bluffé de voir les mouvements autour du line-up du groupe de Death Grind originellement anglais. Cinquième effort studio sur le label français Listenable Records. 14 titres, 38 minutes, c'est presque long pour du grind, mais ça reste tellement incisif, radical et brutal que c'est absolument parfait. Et donc le line-up, du coup, membre d'origine Shannon Berry à la basse. Et au niveau du micro, on retrouve deux monstres de la scène extrême. Kevin Sharp, qui a rejoint Lock Up suite au split de Brutal Truth. Et le retour de Thomas Lindberg, la voix de At The Gates, qui a fait partie de Lock Up de 2002 à 2014. Voilà, donc deux chanteurs ultra vénères pour Lock Up. Et à la batterie, une légende en remplace une autre, puisque suite au départ de Nick Barker, eh bien c'est Adam Jarvis qui vient marteler le kit pour Lock Up. Adam Jarvis, au passage, hein, c'est le batteur de Misery Index, Pink Destroyer, Skour, etc. Voilà, les présentations sont faites pour la doublette à venir. E-Force Traumatize, Lock Up, Hell Will Plague the Rain, extrait de leur nouvel effort studio, The Dregs of Hades. Thank you. seul titre qui n'est pas en doublette pour ce soir, The Night Eternal, une autre et nouveauté pour ce soir. Groupe de heavy extreme dark allemand, après un EP en 2019, ils sortent là leur premier effort studio chez Van Records. Night Eternal, musicalement, on peut rapprocher ça d'un Tribulation, même si la voix n'est pas aussi extrême, sans être non plus trop mélodique. Enfin voilà, un timbre de voix assez original, accrocheur et théâtral en même temps. Donc voilà, The Night Eternal, un bon ovni à découvrir. Moonlit Cross, le nom de leur premier effort studio longue durée, une sortie Van Records. Deadly as a Thief, le titre que l'on s'écoute tout de suite. Yeah. Et voilà, c'est l'heure de clôturer l'émission. Un petit rappel, prochaine émission en direct le 19 décembre, le lendemain du Winter Rip, hein, n'oubliez pas non plus, le samedi 18 décembre, à la salle Maria Callas de la Ville aux Dames, retour des organisations Riposte Asso pour l'édition d'hiver du Rip Fest, avec une bien belle affiche, ma foi, donc n'hésitez pas, c'est 10 balles en pré-vente, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour retrouver l'affiche et toutes les infos qui vont bien. On va donc se quitter avec une doublette, avec tout d'abord Quantique Lépreux, groupe de Québécois, qui sort un EP 4 titres. Il fait suite à deux albums studio parus en 2016 et 2018. On est sur du pur black québécois, c'est hyper efficace, c'est très bien fait, très bien pensé, très bien exécuté, avec notamment les membres de Chasse Galerie qui font partie du line-up de Quantique Lépreux. Ce nouvel effort studio de Quantique Lépreux s'intitule sobrement Secte. On va s'écouter le titre Le Repère des Anges Galeux. Et pour clôturer l'émission, Hyperdontia, projet death metal international, hein, comme je l'ai déjà dit, ça commence comme une mauvaise blague, hein, deux Turcs, un Danois et un Polonais qui disent « Hey, si on faisait de la musique ?» Ok, super, ça donne du death metal bien crado, bien violent, bien dégoulinant, avec un petit côté Evo, là, la sauce Incantation ou encore Dead Conjugation. Hyperdontia, l'album Ideus Entity est déjà dispo via Dark Descent Records, et on va donc se quitter avec le titre « Wretched Mockery of Creation ». Excellente fin de soirée à toutes et à toutes, et à dimanche prochain. Ciao, ciao.